La salle des profs perdus de Victoria Cario. Deuxième épisode. D'accord. Pour être en carrière dans l'éducation nationale. Oui. Bon, c'est plus que pas mal pour un début. Oh, tu vas voir, à la relecture, c'est toujours moins bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on tanne autant les élèves avec la relecture. Que ça soit pour la formulation ou les fautes, à chaque relecture, on trouve toujours plus de coquilles que sur les plages de Normandie. Pas moi. Toi. Monsieur avait sa secrétaire pour relire, si ce n'est pour rédiger. Bon, alors, revenons à ton discours. Je relis et tu m'arrêtes si ça coince. Je t'écoute. Oh, chers collègues, après 30 ans de carrière dans l'éducation nationale, bon, jusqu'ici, c'est bien. Alors maintenant, écoute bien. On arrive au nouveau paragraphe. Mais la mort de Malik Oussekine poussa certains à critiquer ceux qui, comme moi, avaient souhaité faire entrer le débat politique dans la classe. Ouais, non. Non, ça va pas du tout. Pourquoi ? Moi, j'aime bien, moi, ton côté militante. Mais non, tu railles. C'est pas la peine de faire grincer les dents derrière juste avant de partir. Faut se résigner. Les cons resteront des cons. Et puis, il y a rien de pire que les vieux donneurs de leçons. Bon. C'est fou, moi, comme avec le temps, j'ai appris à prendre sur moi. Ah, si tu le dis. Tu sais, ce sens de la diplomatie et de la retenue, je crois que c'est venu pendant l'adolescence de Paul. Qu'est-ce que j'ai pris sur moi à cette époque ? Pardon ? Mais oui, on en a déjà parlé. Mais je ne sais pas si tu t'en es rendu compte. À quel point ça a été difficile pour moi. J'étais comme, je sais pas, cernée par les ados. Ils étaient partout, au lycée, à la maison. Ah, mais je ne pouvais franchement plus les supporter. Je serrais les dents tout le temps. Oui, je me souviens bien. Enfin, tu t'autorisais à les desserrer de temps en temps, tout de même. C'est moi. Tu es prête ? Oh non, Claude ! Ta secrétaire t'a pas transmis le message ? Quel message ? Mais je peux pas déjeuner, j'ai des copies en retard. Elle te l'a pas transmis ? Ah non, mais elle est impossible. Comment tu veux, j'étais en rendez-vous à l'extérieur, et toi t'aurais pu me prévenir quand même. Claude, j'ai essayé de te prévenir aussi vite que j'ai pu. Avant ça, j'étais occupée, pardonne-moi, à emmener ton fils chez le coiffeur. Car monsieur, pendant la nuit, a décidé de se teindre les cheveux en bleu. Alors il était prêt à aller au lycée comme ça, tout content de lui et de sa nouvelle coiffure. J'ai dû A. batailler pour l'emmener chez le coiffeur. B. passer 2 heures là-bas pour faire partir cette maudite teinture qui, selon les dires du coiffeur, avait très bien pris. Ouais, parce que pour une fois, ton fils avait fait du bon boulot. Tout cela sur un temps que j'aurais dû, dans le meilleur des mondes, passer à corriger mes copies. Par ailleurs, je suis désolée si ta secrétaire et toi, vous avez des problèmes de communication. Comment aurait-elle pu me prévenir ? J'étais en rendez-vous extérieur. Mais t'es toujours de son côté. T'es toujours du côté de ceux qui sont contre moi. Bon, Annie, calme-toi. Allez, viens manger avec moi, au moins. Jambon beurre, au comptoir du café du coin. On va pas se disputer dans ta salle des profs. Je m'en fiche. Tout le monde sait ici que je suis malheureuse et que j'ai d'énormes problèmes. Il n'y a que toi qui ne te rends pas compte de l'enfer que je vis. Oh, Annie. Est-ce que tu ne sais pas ? C'est cette chose horrible, affreuse pour une mère qui est en train de se passer maintenant. Hic et nunc. Quoi ? Je commence à le haïr. Qui ? Notre fils. Non. Si, sans exagérer. J'ai des sentiments extrêmement négatifs à son égard. Pour te dire, quand je rentre le soir, je prie pour qu'il ne soit pas là. Pour qu'il soit allé propager ses ondes, là, ses ondes négatives chez un de ses maudits copains. À la maison, tu le verrais, il se traîne de pièce en pièce, avec son Walkman sur les oreilles. Une fois même, à travers l'embrasure de la porte de sa chambre, je l'ai vu se jeter contre les murs. Mais pas violemment, tu vois. C'était lamentable, pathétique. Tu es sûr que tu ne veux pas qu'on parle de tout ça au café, hein, si un de tes collègues arrivait ? Je t'ai dit que je m'en fichais. Puis tout le monde sait ce que c'est ici. On a même un nom pour cet enfer. Ça s'appelle le Hokusai de la vie d'un prof. C'est poétique, c'est magnifique. Hein. Les peintures de Hokusai, ces jolies vagues... Et quand la vague, c'est le monde des ados et qu'ils te submergent, qu'ils sont partout, au travail, chez toi, tu peux te retrouver englouti et pas t'en sortir. Les Hokusai, certains en réchappent, et d'autres pas. Oh, ils sont quand même pas si terribles. Non, mais excuse-moi. Écouter en boucle une chanson qui dit « Rape me !» Se scarifier un jour sur deux, rentrer sous du lycée, refuser les gestes d'hygiène minimum, tout ça, c'est pas terrible ? Notre fils pue, Claude. La vérité, c'est que t'es aveugle. T'es béat devant un fils que tu connais pas, parce que t'arrives toujours après la bataille. Ah oui, tu te débrouilles pour partir le matin avant que les enfants ne se réveillent, et le soir tu rentres après le dîner, et moi, je suis sur le front, sans arrêt. De toutes les façons, quoi que tu penses, j'en peux plus. Il n'y a plus qu'une seule solution. La pension. Jamais. Jamais de ma vie entière mon fils n'ira en pension. J'ai été en pension. Et je sais le mal que ça m'a fait. Pas question que mon fils y aille. Alors on n'a qu'à le mettre dans le privé. Dans le privé ? Au moins ils le remueront un peu. Oh, Annie, toi, tu es en train de sous-entendre que les profs du privé sont plus à même de gérer les adolescents en crise ? Je suis désespérée, Claude. Et prête à tout pour que ça change. Mais tu as complètement perdu la tête, Annie. Et nos idéaux ? Tes idéaux ? On croit à l'égalité des chances, on vit dans un quartier populaire et ça nous plaît. Eh ben, faut peut-être déménager. Quoi ? Et ne pas être égoïste. Parce que toi, c'est sûr, tu es content dans ton petit quartier populaire. Populaire et pas cher, parce que tu y es jamais. Enfin, si le dimanche, tu fais le marché, c'est ton petit bain populaire. Le reste du temps, t'es où ? À la Défense ? Et les enfants, eux, par contre, ils y sont non-stop. Non, je suis atterré, je n'arrive pas à croire que toi, une prof du public, aies envie de mettre ton fils dans le privé. Mais je me fous de ce que tu penses. Je suis au bord d'un précipice. Ah, sinon, il y a l'école alsacienne, ça serait un compromis. Un compromis ? Tu as vu le prix de la scolarité ? Ça serait mieux au niveau des fréquentations. Bah, tu parles, il va fréquenter des petits bourges, il nous fera la gueule s'il n'a pas une voiture de sport pour ses 18 ans. Alors la pension ? Bon, je vais prendre les choses en main. Pas de pension, ni d'école alsacienne. À partir de maintenant, je ne prends plus aucun rendez-vous après 5 heures. Je rentre et je m'occupe de lui. Cher Claude, tes bonnes résolutions qui ont une durée de vie moyenne de 2 semaines... N'empêche que je suis bien content d'avoir tenu pour l'école alsacienne. Mais j'ai hâte de l'y voir, Paul, avec ses ados à lui. Ça devrait pas tarder à commencer. Oh, que tu es mauvaise. Quoi, par vengeance ? Mais non, pas du tout. Simplement pour voir de quel genre seront les nouveaux ados. Est-ce qu'ils vont bien pouvoir inventer ? À mon avis, la même chose que les anciens, mais de façon différente. Rien ne change. Comme d'habitude. La salle des profs perdus de Victoria Cario, avec Sabine Autepin, Yves Pignot, Sophie Mirand, Sylvia Conti. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort et Jean du Cimetière. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Cédric Aussire.